الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture du livre قصص الأنبياء du Cheikh عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. La semaine dernière, on avait continué d'énumérer les morales qui sont tirées de l'histoire de Moussa alayhi salam et de son frère Haroun alayhi salam. On s'est arrêté à la page 77 du livre en arabe, et notamment à la morale qui est que fait partie des grandes vertus et du bon comportement le fait de bien se comporter avec les personnes qui sont en relation avec nous, que ce soit des travailleurs, des employés ou la famille, la femme et les enfants. Et que fait partie du bon comportement d'alléger pour eux la charge de travail. Car Allah Azza wa Jalla dit, en parlant de Sahib Madian, de cet homme, de ce vieillard père des deux filles que Moussa alayhi salam a aidé, وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Et je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif, tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens de bien. ثم قال الشيخ سعدي رحمه الله وفيه أنه لا بأس أن يرغب المعامل في معاملته بالمعاوضات والإجارات بأن يصف نفسه بحسن المعاملة بشرط أن يكون صادقا في ذلك. Également, on retient de cette histoire qu'il n'y a pas de mal à motiver un partenaire avec qui tu veux faire une transaction ou autre en te décrivant comme étant une personne qui se comporte convenablement dans les transactions, à condition de faire partie des véridiques. À condition de faire partie des véridiques. Car Moussa alayhi salam, dans Surat al-Qasas, lorsque le père de ses deux filles lui a proposé de travailler à son service, et en échange, qu'est-ce qu'il lui donnerait? Il le marierait à l'une de ses filles. On retient de cela le fait que le père de ces deux filles a dit sur lui-même, Satajiduni insha'Allahu minas salihin, tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens du bien. Autrement dit, il a dit cela pour apaiser Moussa alayhi salam et pour que Moussa alayhi salam accepte sa proposition, et que si Moussa alayhi salam accepte sa proposition, eh bien qu'il ne sera pas trahi de sa part dans celle-ci. Donc il est autorisé de, entre guillemets, de faire les éloges de sa personne en disant que moi je suis une personne honnête, je suis une personne correcte dans mes transactions. Lorsque tu veux convaincre quelqu'un d'être ton associé par exemple, ou d'être un partenaire dans telle ou telle affaire. Et Cheikh Saadi dit bien sûr, بِشَرْتِ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا فِي ذَلِكَ, à condition bien sûr que ce que tu dis soit vrai. Et, car dans le cas contraire, bien sûr ce sera une duperie et une tromperie de ta part. ثُمَّ قَالَ وَمِنْهَا جَوَازُ عَقْدِ الْمُعَامَلَاتِ مِنْ إِجَارَةٍ وَغَيْرِهَا بِغَيْرِ إِشْهَادٍ لقوله والله على ما نقول وكيل وتقدم أن الإشهاد تنحفظ به الحقوق ونقل وتقل المنازعات والناس في هذا الموضع درجات متفاوتة وكذلك الحقوق. Également, on retient de cette histoire l'autorisation de contracter un contrat commercial, que ce soit une location ou autre, sans témoignage, sans témoin. Car Allah Azza wa Jalla a dit « Wallahu ala ma naqulu wakil ». Et ça, c'est la parole de Moussa alayhi salam, où Allah Azza wa Jalla dit « Allah est garant de ce que nous disons ». Et bien sûr, il a été dit précédemment que de faire témoigner une transaction ou un contrat permet de préserver les droits et de minimiser les mésententes. Et bien sûr, les gens dans cela sont différents. ومنها الآيات البينات التي أيد الله بها موسى من انقلاب عصاه التي كان يعرفها حية تسعى ثم عودها سيرتها الأولى وأن يده إذا أدخلها في جيبه ثم أخرجها صارت بيضاء من غير سوء للناظرين ومن رحمة الله وحمايته لموسى وهارون من فرعون وملئه ومن انفلاق البحر لما ضربه موسى بعصاه فصار 12 طريقا وسلكه هؤلاء فنجوا وقوم فرعون فهلكوا وغير ذلك من الآيات المتتابعات التي هي براهين وآيات لمن رآها وشاهدها وبراهين لمن سمعها فإنها نقلتها معظم مصادر اليقين الكتب السماوية ونقلتها القرون كلها ولم ينكر هذه الآيات إلا جاهل مكابر زنديق وجميع آيات الأنبياء بهذه المثابة. Également, on retient de cette histoire de Moussa et de Haroun alayhim assalam les nombreux signes évidents par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu Moussa alayhi salam. Parmi ces signes, le fait que le bâton de Moussa alayhi salam se soit transformé en un serpent qui rampe, puis ramener ce bâton à son premier état. Le fait que Moussa alayhi salam entrait sa main dans sa poche, puis il sortait blanche sans aucun mal pour celui qui la voyait. Et parmi la bénédiction d'Allah Azza wa Jal et sa miséricorde, le fait qu'il ait protégé Moussa et Haroun de Pharaon et de son armée. Également, parmi les signes d'Allah Azza wa Jal par lesquels il a soutenu Moussa alayhi salam, le fait que l'océan se soit fendu en 12 chemins lorsque Moussa alayhi salam frappa l'océan de son bâton. Et ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam ont traversé et ont été sauvés, et Pharaon et son peuple et son armée ont traversé également, mais ont péri dans cela. Et bien d'autres signes successifs qui sont des preuves évidentes pour ceux qui les ont vus et ceux qui ont assisté à cela, ce sont également des preuves pour ceux qui en ont entendu parler, car ces preuves et ces miracles ont été cités dans les sources les plus dignes de confiance, que sont les livres divins. Et ces miracles ont été rapportés de siècle en siècle, et personne ne les a niés, si ce n'est un ignorant orgueilleux. Et l'ensemble des signes et des miracles des prophètes sont du même ressort. ومنها أن آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وما يخرقه الله من الآيات ومن تغيير الأسباب أو منع سببيتها أو احتياجها إلى أسباب أخرى أو وجود موانع تعوقها هي من البراهين العظيمة على وحدانية الله وأنه على كل شيء قدير وأن أقدار الله لا يخرج عنها حادث جليل ولا حقير وأن هذه المعجزات والكرامات والتغييرات لا تنافي ما جعل الله في هذه المخلوقات من الأسباب المحسوسة والنظامات المعهودة وإنك لا تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا فإن سنن الله في جميع الحوادث السابقة واللاحقة قسمان أحدهما وهو جمهور الحوادث والكائنات والأحكام الشرعية والقدرية وأحكام الجزاء لا تتغير ولا تتبدل عما يعهده الناس ويعرفون أسبابه وهذا القسم أيضا مندرج في قدرة الله وقضائه ويستفاد من هذا العلم بكمال حكمة الله في خلقه وشرعه وأن الأسباب والمسببات من سلك طرقها على وجه كامل أفضت به إلى نتائجها وثمراتها ومن لم يسلكها أو سلكها على وجه ناقص لم يحصل له الثمرات التي رتبت على الأعمال شرعا ولا قدرا وهذه توجب للعبد أن يجد ويجتهد في الأسباب الدينية والدنيوية النافعة مع استعانته بالله والثناء على ربه في تسييرها وتيسير أسبابها وآلاتها وكل ما يتوقف عليه والقسم الثاني حوادث معجزات الأنبياء التي تواترت تواترا لا يتواتر مثله في جميع الأخبار وتناقلتها القرون كلها وكذلك ما يكرم الله به عباده من إجابة الدعوات وتفريج الكربات وحصول المطالب المتنوعة ودفع المكاره التي لا قدرة للعبد على دفعها والفتوحات الربانية والإلهامات الإلهية والأنوار التي يقذفها الله في قلوب خواص خلقه فيحصل لهم بذلك من اليقين والطمأنينة والعلوم المتنوعة ما لا يدرك بمجرد الطلب وفعل السبب ومن نصره للرسل وأتباعهم وخذلانه لأعدائهم وهو مشاهد في كثير من الأوقات فهذا القسم ليس عند الخلق اهتداء إلى أسباب هذه الحوادث ولا جعل لهم في الأصل ووصول إلى حقيقتها وكنهها وإنما هي حوادث قدرها الرب العظيم الذي هو على كل شيء قدير بأسباب وحكم وسنن لا يعقلها الخلق ولا لحواسهم وتجاربهم وصول إليها بوجه من الوجوه وبها آمن الرسل من أولهم إلى آخرهم وأتباعهم الأولون منهم والآخرون وبها يعرف عظمة الباري وأن نواصي العباد بيده هو أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ويعرف بذلك صحة ما جاءت به الرسل كما يعرف أيضا بالقسم الأول وكما أنه لا سبيل إلى العباد في هذه الدار إلى إدراك كنه صفات اليوم الآخر وكنه ما في الجنة والنار وإنما يعلمون منها ما علمتهم به الرسل ونزلت به الكتب ولا سبيل إلى أهل الكون الأرض لوصول إلى العالم السماوي ولا سبيل لهم إلى إحياء الموتى وإيجاد الأرواح في الجمادات فكذلك هذا النوع العظيم من حوادث الكون وإنما أطلنا الكلام على هذه المسألة وإن كانت تستحق من البسط أكثر من هذا الأمرين من هذا لأمرين أحدهما أن الزنادقة المتأخرين الذين أنكروا وجود الباري وأنكروا جميع ما أخبرت به الرسل والكتب السماوية من أمور الغيب ولم يثبتوا من العلوم إلا ما وصلت إليه حواسهم وتجاربهم القاصرة على بعض علوم الكون وأنكروا ما سوى ذلك وزعموا أن هذا العالم وهذا النظام الموجود فيه لا يمكن أن يغيره مغيرا لا يمكن أن يغيره مغير أو يغير شيئا من أسبابه، وأنه وجد صدفة من غير إيجاد موجد، وأنه آلة تمشي بنفسها وطبيعتها، ليس لها مدبر ولا رب ولا خالق. وهؤلاء جميع أهل الأديان يعرفون مكابرتهم ومباهتتهم، لأنهم كما عدموا الدين بالكلية فقد اختلت عقولهم الحقيقة، إذ أنكروا أجل الحقائق وأوضحها وأعظمها براهين وآيات، وتاهوا بعقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة، وهؤلاء أمرهم معلوم. ولكن الأمر الثاني أن بعض أهل العلم العصريين الذين يتظاهرون بنصر الإسلام والدخول مع هؤلاء الزنادقة في الجدال عنه، يريدون باجتهادهم أو اغترارهم أن يطبقوا السنن الإلهية وأمور الآخرة على ما يعرفه العباد بحواسهم ويدركونه بتجاربهم، فحرفوا لذلك المعجزات وأنكروا الآيات البينات، ولم يستفيدوا إلا الضرر على أنفسهم وعلى من قرأ كتاباتهم في هذه المباحث، إذ ضعف إيمانهم بالله بتحريفهم لمعجزات الأنبياء تحريفا يؤول إلى إنكارها وإنكارهم هذا النوع العظيم من قضاء الله وقدره، وضعف إيمان من وقف على كلامهم ممن ليست له بصيرة ولا عنده من العلوم الدينية ما يبطل هذا النوع، ولم يحصل ما زعموه من جلب الماديين إلى الهدى والدين، بل زادوهم إغراء في مذاهبهم لما رأوا أمثال هؤلاء يحاولون إرجاع النصوص الدينية ومعجزات الأنبياء وأمور الغيب إلى علوم هؤلاء القاصرة على التجارب والمدركات بالحواس. فيا عظم المصيبة ويا شدة الجرم المزوق، ولكن ضعف البصيرة والإعجاب بزنادقة الدهريين أوجب الخضوع لأقوالهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. Donc ceci est une morale de Cheikh Rahimahullah. Vous avez entendu, elle est longue. Donc j'ai préféré la lire entièrement en arabe pour vous lire directement sa traduction en français, car c'est une parole qui est longue et qui est éloquente. Ainsi, pour ne pas perdre de son importance et de son éloquence, je préfère lire directement la traduction de cette morale qu'a cité Cheikh Saadi rahimahullah. Donc il dit rahimahullah: Naam, il y a aussi le fait que les miracles des prophètes et les dons surnaturels des saints, de même que les phénomènes surnaturels qu'Allah Azza wa Jal réalise dans l'univers et ses lois naturelles, sont des preuves grandioses de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et sur le fait qu'Allah Azza wa Jal est capable de tout faire, de même que sur le fait que les décrets d'Allah ne laissent passer par négligence aucun événement grandiose ou insignifiant, et que ces miracles, ces dons surnaturels et ces phénomènes ne sont pas en porte-à-faux avec ce qu'Allah Azza wa Jal a établi en ses créatures comme règle naturelle. Tu ne trouveras dans les lois d'Allah ni changement ni déviation. Donc ici, Cheikh Saadi dit que les miracles qu'Allah Azza wa Jal a donnés aux prophètes et les dons qu'Allah Azza wa Jal a accordés aux saints, ainsi que les phénomènes surnaturels qui ont lieu, sont une preuve de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Mais ce qui a lieu aussi de façon normale, ce qui a lieu normalement, est aussi une preuve de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Comme par exemple, le fait que la lune, que le jour et la nuit s'alternent. إن في اختلاف الليل والنهار que cela fait partie des signes d'Allah, le fait que la nuit se succède au jour. Donc, à la fois les choses naturelles, les choses normales qu'Allah Azza wa Jal a créées sont une preuve de son unicité, mais les miracles qu'il donne à ses prophètes, les dons surnaturels qu'il accorde à ses saints sont une preuve plus marquante et plus parlante de son unicité, subhanahu wa ta'ala. Et ici, Cheikh Oussadi dit qu'il n'y a pas de contradiction entre les faits surnaturels et les faits naturels. Que les faits surnaturels ne déstabilisent pas les faits naturels. Dans tous les événements passés ou à venir, les lois d'Allah sont de deux sortes. La première sorte est que l'ensemble des événements, des créatures, des règles légales et celles relevant de la prédestination ainsi que des règles juridiques ne changent pas et ne se transforment pas selon l'usage auquel sont habitués les gens et dont ils connaissent les causes. Cette partie, entre autres, entre aussi dans le pouvoir d'Allah et ses décrets. On peut profiter de cette science grâce à la perfection de la sagesse et des desseins d'Allah dans ses créatures et sa législation. De même que celui qui suit la voie des causes et des effets d'une manière parfaite peut arriver à des résultats concrets et obtenir des fruits, contrairement à celui qui ne suit pas cette voie ou qui la suit d'une manière imparfaite. Cela étant, le serviteur est tenu de chercher et de faire des efforts dans la connaissance des causes religieuses et terrestres, utiles en demandant l'assistance d'Allah et en faisant l'éloge de son Seigneur pour avoir facilité ses causes et ses mécanismes, de même que tout ce qui se rapporte à elle. La deuxième sorte est formée des événements et des miracles propres. Donc il y a, première chose, des événements qui ont lieu, ce sont des événements qui sont normaux, des choses qui se passent normalement. Et bien sûr, en acquérant une science, en faisant des efforts, eh bien, on fait des découvertes qui sont significatives. Toutes les avancées technologiques, par exemple, qui sont connues. Qu'est-ce que les êtres humains ont utilisé comme règles et comme lois ? Des règles et des lois qui sont connues et qui font partie de la création normale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui cherche, pour cela que Cheikh Saadi dit, de même que celui qui suit la voie des causes et des effets d'une manière parfaite peut arriver à des résultats concrets et obtenir des fruits, contrairement à celui qui ne suit pas cette voie ou qui la suit d'une manière imparfaite. Donc, lorsque tu fais des recherches poussées, c'est pour ça qu'il y a souvent des trouvailles, des avancées dans les domaines de la science, que ce soit la technologie ou que ce soit même la médecine, par exemple. Que ce soit la médecine, on connaît le fonctionnement, par exemple, des cellules, etc. Mais en approfondissant les recherches et les analyses, on arrive à des résultats et on arrive à des progrès. La deuxième forme des événements d'Allah Azzawajal, ce sont les événements des miracles propres aux prophètes que se sont transmis sans précédent et dans aucune autre information toutes les générations. Il en est de même de ceux dont Allah a honoré ses serviteurs comme exaucement des invocations, soulagement des peines, l'acquisition des demandes diverses et l'éloignement des torts dont le serviteur ne peut éloigner à lui seul, ainsi que les ouvertures divines et les inspirations et autres lumières qu'Allah met dans le cœur de l'élite de ses serviteurs. Qui, par exemple ? Qui fait partie des mulhamin ? Ceux qui reçoivent des inspirations divines. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation, c'est le wahi. Mais il y a ce qu'on appelle l'ilham. لو كان في أمتي ملهمون لكان عمر. Et Omar était mulham. Il faisait la khutbah de Jumu'ah et de son minbar, il a mis en garde une armée qui était au Sham de l'ennemi qui venait derrière la montagne. Et il leur a dit Al-Jabal al-Jabal. Ils l'ont entendu, radiyallahu anhu. Ils étaient au Sham et lui était était à Médine, sur son minbar. Il a su, par inspiration divine, ce qui se passait. Et eux, radiyallahu anhum, ont entendu la parole de Omar. Parmi les mulhamoun également, Abu Bakr, radiyallahu anhum, lorsqu'il a su que dans le ventre de sa femme, il allait avoir une fille. Lorsque son fils Abdurrahman l'a questionné, il lui a dit, je ne me rappelle plus exactement le contexte, mais en tout cas, il lui a dit, c'est ta sœur. Il lui a parlé de sa sœur. Or, sa sœur n'était pas encore née. Elle était dans le ventre de sa mère. Et il y a 1400 ans, il n'y avait pas les moyens actuels pour savoir ce qu'il y a dans le ventre d'une femme enceinte, est-ce un garçon ou une fille. Et bien d'autres exemples de ilham. Donc ici on parle de ilham, d'inspiration divine. Qu'Allah met dans le cœur de l'élite de ses serviteurs et dont il tire certitude, quiétude et sciences diverses qui ne peuvent être obtenues par simple demande et action. Il en va de même pour le triomphe d'Allah, le triomphe qu'Allah accorde à ses messagers et à leurs partisans et pour son avilissement de leurs ennemis, comme ce qui est arrivé dans la bataille de Al-Ahzab, lorsqu'Allah Azzawajal a repoussé l'ennemi sans que les croyants n'aient eu besoin de combattre. Et Allah Azzawajal, comment il les a repoussés ? Par un froid et un vent violent. Naam. De même pour le triomphe qu'Allah accorde à ses messagers et à leurs partisans et pour son avilissement de leurs ennemis, ce qui est arrivé à maintes reprises. Il y a lieu de préciser que les créatures ne peuvent arriver aux causes de ces événements et ne peuvent parvenir à leur réalité et à leur substance, car ce sont des événements que le Seigneur puissant et qui est capable de tout a décrété par des causes, des règles et des lois inaccessibles aux intelligences des créatures et que ni leur sens ni leur expérience ne sont capables de cerner. Donc tous ces faits extraordinaires, les miracles qu'Allah Azzawajal accorde à ses prophètes, les dons surnaturels dont il fait bénéficier ses saints, les inspirations divines qu'il accorde à l'élite des croyants, le fait qu'Allah Azzawajal, dans la bataille de Hunayn, aide les musulmans en envoyant des anges pour combattre les polythéistes. Ce sont des choses, comme l'a dit Cheikh Saadi, que les créatures ne peuvent arriver aux causes de ces événements. Les créatures ne peuvent parvenir à la réalité, car ce sont des événements qu'Allah Azzawajal a décrétés par des causes et des règles et des lois inaccessibles aux intelligences des créatures, que ni leur sens ni leur expérience ne sont capables de cerner. Contrairement à la première partie des événements qu'Allah Azzawajal crée, qui peuvent être cernés par les créatures et par leur intelligence. On l'a vu dans la première partie. C'est à ces événements que tous les messagers, du premier au dernier, ainsi que leurs disciples ont cru. Et c'est par eux que se manifeste la grandeur du Créateur et que se confirme le fait que tous les toupets des êtres humains sont entre les mains d'Allah. Et par ces événements extraordinaires, on arrive à la conclusion que ce qu'Allah veut arrive. Et ce qu'il ne veut pas n'arrivera pas. On peut connaître aussi la véracité de ce qu'ont apporté les messagers, comme on peut connaître les réalités de la première partie. En outre, les êtres n'ont aucune chance et aucun moyen dans ce monde de connaître la réalité du jour de la résurrection et celle du paradis et de l'enfer. Et ils ne peuvent savoir de cela que ce que les messagers leur ont appris et que ce que les livres saints ont fait descendre. Les gens de ce bas monde n'ont aucune capacité de parvenir au monde céleste et ils n'ont aucune capacité de ressusciter les morts ou de créer la vie dans les choses inertes. Puis Cheikh Saadi, rahimahullah, dit « Certes, si nous nous sommes étalés là-dessus, bien que cela nécessite plus, c'est pour deux choses fondamentales. Donc ici, Cheikh Saadi explique pourquoi est-ce qu'il s'est attardé sur ces deux types d'événements. La première est que les athées qui ont nié l'existence du Créateur ont rejeté tout ce qu'ont rapporté les messagers et les livres saints, des choses de l'invisible, et n'attestent comme science que celles auxquelles sont parvenus leur sens et leur expérience insuffisante dans certaines connaissances de cet univers. Par contre, tout ce qui est autre que ces sciences a été nié par ces gens qui prétendent que cet univers et cet ordre qui existe en lui ne peuvent être changés, ni leur cause d'ailleurs, par quiconque. Ils prétendent aussi que cet univers, donc qui prétend ainsi ? Les athées. Ils prétendent aussi que cet univers est venu par hasard, sans concepteur ni créateur, et qu'il est une machine ou un système qui fonctionne par lui-même et par sa nature, sans avoir de créateur et de seigneur et de Dieu. Les gens de toutes les religions connaissent l'arrogance et la confusion dans laquelle se trouvent ces athées, car de même qu'ils ont nié totalement la religion, ils sont tombés dans une confusion totale en niant les vérités les plus manifestes, les plus évidentes, celles qui sont appuyées par des preuves et des arguments. Ils se sont égarés avec leur intelligence limitée, leur opinion erronée. Le cas de ces personnes est donc connu. La deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle Cheikh Saadi a explicité cela, la deuxième chose est que certains scientifiques modernes qui se targuent de défendre l'islam et de polémiquer avec ces athées tentent, avec leurs efforts ou leur aveuglement, de soumettre les lois divines et les choses de l'au-delà à ce que saisissent les gens avec leur sens et ce qu'ils comprennent avec leur expérience, et de ce fait déforment les miracles. Donc ici, Cheikh Saadi parle de ces scientifiques qui essaient de comprendre la deuxième catégorie qu'il a citée avant, rahimahullah, qui est une chose, les faits extraordinaires, les faits, les miracles, les dons surnaturels, les choses qui ne peuvent être comprises et conçues par les créatures. Et ici, Cheikh Saadi répond à ces soi-disant scientifiques qui essayent de trouver une justification rationnelle des choses qui ne peuvent être comprises par la raison humaine. L'aveuglement de ces savants les amène à interpréter les versets d'une façon aberrante, qui nie les signes évidents, et n'ont récolté pour cela que les préjudices pour eux et pour ceux qui lisent leurs ouvrages à ce sujet. Leur foi en Allah s'est affaiblie par leur déformation des miracles des prophètes, une déformation qui tend à les nier et à les rejeter. Leur négation de cette partie importante des décrets d'Allah et de sa puissance et la faiblesse de la foi de ceux qui les ont suivis sans avoir de perspicacité et de connaissances religieuses susceptibles d'infirmer ces assertions n'ont pas guidé les matérialistes vers la vérité comme ils le prétendent, mais elles les ont enfoncés encore plus dans leur doctrine aberrante. Ainsi, ces soi-disant savants scientifiques qui essayent de donner une justification rationnelle des miracles et des choses surnaturelles ont été amenés à faire des interprétations des versets du Coran, des miracles des prophètes, pour que cela coïncide et corresponde avec leur compréhension des choses. Or, en faisant cela, ils n'ont fait que déformer les sens, et cela les a amenés même à nier certains miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces mêmes scientifiques qui, à la base, ont usé de cela pour prouver aux athées que ces choses ont une origine rationnelle et que ces choses surnaturelles peuvent être expliquées de façon concrète par A plus B. Et en faisant cela, eux qui voulaient soi-disant raisonner les athées, comme l'a dit le Cheikh Saadi, n'ont fait, mais elles les ont enfoncés encore plus dans leur doctrine aberrante. Lorsqu'ils ont vu que des savants pareils essayent de soumettre les textes religieux, les miracles des prophètes et les réalités de l'au-delà à leur science limitée, aux expériences et à la perception des sens. Ô combien est grand ce malheur et ô combien est grave le délit commis. Malheureusement, la faiblesse de la clairvoyance et l'émerveillement devant les matérialistes athées ont imposé la soumission à leur opinion. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. On actifie bien cet cadre. Wa subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.